Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Magie Rose, le spectacle de Diane Dufresne au Stade olympique en 1984. Mais quel bonheur d'être avec vous ce soir. Enfin, on le fait ensemble. Et quand on se tronche comme un soir, c'est pas seulement le stade qui change de couleur, mais la vie. Le 16 août 1984, Diane Dufresne écrit une page importante de l'histoire de la musique au Québec. Elle devient la première artiste québécoise à donner un concert complet au Stade olympique de Montréal, un exploit qu'aucun autre artiste québécois ne répétera d'ailleurs par la suite. Mais le soir du 16 août 1984, Diane Dufresne réalise surtout un grand rêve. Elle réussit à entraîner ses admirateurs dans sa douce folie. 55 000 personnes habillées de rose assistent ce soir-là à ce qui va devenir l'un des événements artistiques les plus marquants de toute la décennie des années 80. Je l'ai eu pour Diane en assistant à un spectacle au Stade olympique avec Michael Jackson. Moi, c'était de me dire, mais pourquoi nous, Québécois, on ne peut pas faire ces endroits-là? Parce que jusqu'à ce que Diane fasse le forum, il n'y a jamais eu un Québécois qui avait fait ça. C'est toujours des Anglais ou des Américains. Il n'y a pas de raison que nous, on ne soit pas capables. On a toutes les compétences techniques, le personnel, le know-how. Regarde le cachet qu'elle a eu et on divisait par le nombre d'heures. Le nombre d'heures qu'elle a consacré à ce spectacle-là a gagné moins que n'importe quel des techniciens qui ont travaillé à ce spectacle-là cette journée-là. Si vous allez dans les journaux puis vous répondez puis vous donnez le cachet, alors là, les gens pensent que le cachet, c'est uniquement pour le spectacle que l'artiste arrive à 7 heures, donne son spectacle à 8 heures puis à 11 heures le soir, c'est terminé. Dans ce cas-là, c'est un spectacle unique, une conception unique pour un seul soir. Donc, c'est des mois de travail. C'est des mois de travail parce qu'elle, tout est pensé. Que ce soit la façon qu'elle rentre dans le stade, que ce soit le costume, les rencontres avec tout. Donc, c'est une somme de travail colossale pour un spectacle unique. Sur la chanson « Oxygène », vous entendiez le producteur Guy Latraverse et l'impresario Robert Vinet à l'émission « Folie douce » Diane Dufresne en paroles et en musique diffusée en 2004 pour revenir sur la petite histoire de ce grand spectacle. Magie Rose, j'accueille la journaliste Marie-Christine Blais. Marie-Christine, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que vous me parliez de cette émission-là. Vous teniez à faire une émission sur Magie Rose. Oui. Pourquoi? Parce que ça fait 35 ans que le spectacle a eu lieu, mais aussi parce que ça reste un moment marquant dans la vie de tous ceux qui ont vraiment assisté à la chose. Parce que c'est aussi un des premiers spectacles, sinon le premier à ma connaissance, où on était dans la participation comme spectateur. La commande était très claire. Sur le poster, sur l'affiche du spectacle, c'était écrit « Tenue rose, appréciée ». Ouais. Et là, tu dis « Oui, mais encore ». Et quand on est arrivé... Tout le monde, ou presque, avait mis quelque chose en rose. Moi, c'est la première fois que je voyais autant de gens qui jouaient le jeu, qui voulaient faire partie du spectacle. Donc, un spectacle à part, quelque chose d'unique. Complètement. Au-delà du fait que c'est la première fois, c'est vrai que c'est important dans l'histoire de la musique au Québec. La première fois qu'une artiste québécoise fait le Stade olympique seule. Qui est un lieu mythique, qui sonne pas bien, mais qui est mythique et qu'on paye encore à l'époque beaucoup. On est en pleine période de récession. Donc, il y a là un moment fondamental dans l'histoire de la musique québécoise et... Diane Dufresne est une des très, très rares femmes. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Mais à l'époque, il n'y a qu'elle ou à peu près. Ça reste présent dans la mémoire collective. Au-delà de l'histoire de la musique, c'est comme un moment... Tout le monde se souvient encore de ce moment-là, sans y avoir été ou en y ayant été, de ce spectacle-là. Vous avez évoqué le fait que c'est une période difficile. Parler de compression économique. Ah oui. C'est le début des années 80. Parlez-nous de ça, parce que ça fait... Le contexte fait intimement partie de l'histoire du spectacle. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le taux de chômage au Québec, il est de 13,1 %. C'est énorme. Hein? C'est beaucoup. Ça, c'est le... Donc, c'est le taux de chômage officiel. Donc, ouais. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. C'est difficile. On est en récession. Or, c'est le 450e anniversaire du premier voyage de Jacques Cartier au Québec et au Canada. Alors, le ministère du Québec décide, on va faire des événements rassembleurs, joyeux, le mot festif à l'époque n'était pas encore à la mode, mais c'est ça l'esprit. Ouais. Donnons un peu de oomph à l'époque qui est assez glauque. Alors, c'est là que le ministère de la Culture décide, par exemple, il va y avoir le défilé des grands voiliers à oui. Québec, qui a coûté beaucoup plus cher que le spectacle de Diane Dufresne, d'ailleurs, puis qui marche plus ou moins. Mais l'idée de cet événement, comme de celui de Magie Rose, c'est d'avoir un rayonnement international. Ouais. C'est de mettre le Québec sur la carte. On a été découvert, redécouvrez-nous. Ouais. Un petit peu ça l'idée. Et donc, on met le paquet. Il y a une volonté politique marquer cet anniversaire-là. Et puis, on va y revenir, parce que on va beaucoup critiquer le coût de ce spectacle-là, mais on va mettre des centaines de milliers de dollars là-dedans. Ça veut dire aussi, évidemment, toute une mécanique. Là. C'est un immense spectacle. C'est... En 9 mois de travail à peu près non-stop, c'est Diane Dufresne qui a l'idée. Elle travaille avec Mouffe, elle travaille avec les meilleurs techniciens de l'époque. Et écoutez, il y a 120 haut-parleurs. Il y a plus de 10 caméras, dont une qui va être à bord d'un hélicoptère pour filmer la chose. Il va y avoir des lasers, 120 000 watts de son. Pour vous donner une idée, The Police, l'année juste d'avant, il y en avait 90 000. Ouais. C'est vraiment en éclairage, il y en a beaucoup. Et ils essaient vraiment de construire des murs sonores pour que justement le son reste dans le stade qui n'a pas de toit. Donc, le son, il sort dans ce temps-là. Et tout ça fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel, de gens qui sont à pied d'œuvre, qui montent, qui démontent, qui essayent des costumes. Enfin, il y a vraiment un gros budget, mais c'est un gros spectacle pour l'époque. Alors que ça n'existe pas vraiment à l'écran géant à l'époque. Là. Ouais. C'est pas... Le micro sans fil commence. Là. Donc, grosse mécanique technique. Un mot sur Diane Dufresne, parce que vous nous disiez 1984, et c'est pour ça qu'on finance cette grosse machine technique, ce gros spectacle. C'est le 450e anniversaire de la première visite de Jacques Cartier au Canada. Pour Diane Dufresne, elle en est où, elle, en 1984? En 1984, elle est très, très prolifique. Elle est très connue depuis Tiens-toi bien, j'arrive en 72, qui est vraiment ce qu'on a connu, la Dufresne, la diva, qui est débridée, fantasque. Elle a déjà sorti 7 disques. Ouais. C'est pas mal. Elle a fait des grands spectacles, notamment au Forum, son fameux spectacle Halloween Hollywood, où un soir, elle est déguisée en dame de cœur et l'autre soir, en dame un peu noire. Ouais. Donc, elle stimule chez ses spectateurs le goût d'aller la voir. Ça, c'est déjà là. C'est déjà là. Puis ça va atteindre, évidemment, un point culminant avec Magie Rose, parce qu'il faut le dire, Magie Rose... C'est la seule, sans doute, qu'à l'époque, aurait réussi d'ailleurs à attirer des gens. Oui. Qui s'habillent vraiment en rose. Oui, oui, et qui y vont en grand nombre. Parce que c'est ça. C'est un concept, d'abord et avant tout. Son concept, celui de Diane Dufresne, ce spectacle Magie Rose au Stade olympique, on l'écoute justement parler de ce qu'elle veut faire et vous allez voir remercier son public, extrait d'une entrevue qu'elle accorde en 2017. C'est quand je suis arrivée sur scène, je me répétais dans les rues pour arriver avec ma grande traîne rose, puis passer à travers. C'est quand j'ai vu que le stade était rose. C'est pour ça que je vous dis, quand c'est rose, là, les gens de Montréal sont game. Ils s'habillent. Quand on travaille avec les Français, qui sont plus sophistiqués et tout ça, pas parce que Montréal manque de sophistication, mais quand on dit habillez-vous en rose, ils ont un petit truc rose qui est peut-être ici. Quand on dit rose à un Montréalais, c'est rose de la tête aux pieds. Puis ils ont soutenu un spectacle qui était difficile, parce qu'on m'a critiqué sur beaucoup de choses. Et ils soutenaient, parce que des fois, il y avait des longueurs entre les applaudissements, puis c'était jamais... Bien, ils applaudissaient plus longtemps pour que ce soit... Ils ont fait le spectacle. Mais quand vous arrivez au stade et qu'il devient rose, c'est très, très impressionnant. C'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma carrière. C'est peut-être pour ça, on disait à Marie-Christine Blais, que ce spectacle-là a été marquant pour ceux qui y ont assisté et qu'ils s'en souviennent encore, parce qu'ils y ont vraiment participé. Et associé une couleur à tout jamais aussi. Ouais. Mais c'était aussi cette idée de revendiquer le rose comme une couleur forte. Ouais. Alors que le rose, c'est d'habitude, c'est des femmes. Hein? Non, elle a dit, rose, là, c'est la vie. On y va. Et moi, je me rappelle d'amis qui avaient acheté des pantalons roses puis qu'ils les avaient mis juste rendus sur place parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait personne. Ouais. Mais tu sais, game, mais rendu à la porte, on était plus game. Ouais. Il y avait vraiment de ça, mais c'était un spectacle où les assurances coûtaient cher, tout coûtait cher. Ouais. Et c'est sûr qu'elle l'explique très bien. Il y avait, c'est vrai, des longueurs ou des choses comme ça, parce qu'il y avait des décalages entre le son et l'image. C'était très compliqué, mais, techniquement. Moi, je me rappelle, j'étais au parterre. Jacques, c'était incroyable d'être là dans une foule d'amoureux de Diane Dufresne et de la musique québécoise. Avec un petit flottement, parce que, oui, non, c'était pas parfait, mais parce qu'il faut bien le dire aussi, c'était, sur le plan de la scénographie aussi, une aventure absolument incroyable. Quand j'étais enfant, je voulais toujours qu'on m'amène au parc Belmont. Pour moi, c'était ça la vie, c'était la fête. C'était beau, comme dans ma tête, mais j'ai grandi, j'ai connu la ville, et j'ai choisi d'habiter le monde de mon imagination. Je parlais d'un dispositif scénique très impressionnant juste avant d'entendre cet extrait de Parc Belmont. C'est ça qu'elle veut et qu'elle reproduit, en au Stade olympique, Diane Dufresne. Le Parc Belmont. Ah oui, quand la chanson commence, il y a une grande roue qui part, il y a un manège qui se met à tourner. Écoute, c'était très, très fort visuellement, sans compter son entrée dans le stade. Encore aujourd'hui, je pense, qu'on l'ait vu à la télévision ou en personne, elle traverse 200 mètres de passerelle en tirant une traîne derrière elle qui était portée, avant qu'on lui fixe sur les épaules, par 80 personnes. C'est lourd, cette petite traîne-là, comprenez-vous? Puis là, elle la traîne tout le long, ça déroule. C'était, oui, le spectacle avait coûté 400 000 $ mais il y avait plein d'exigences. Par exemple, que les billets coûtent seulement 10 $ il y avait beaucoup de billets gratuits donnés à des gens qui étaient démunis. Et il devait y avoir des invités internationaux. Oui. C'était une des exigences, d'où Jacques Higelin et le groupe new-yorkais Manhattan Transfer. Ben, qui font des chansons, oui, des premières parties, puis qui, de temps en temps, vont chanter avec elle. Et ça lui a été reproché, parce qu'on ne voulait pas voir Jacques Higelin, il faut le dire. Là, c'était pas eux qu'on voulait voir, c'était Diane Dufresne. Mais c'était des contraintes imposées par le spectacle. Donc, tout ça, là, il y a aussi un grand écran, mais on ne voit pas vraiment bien. Il y a des dizaines et des dizaines de lasers à la fin qui vont faire comme une espèce de toit, pas opaque, comme elle fait un toit de laser vert. À l'époque, il y avait juste des lasers verts au-dessus de nous, ou un vaste éventail derrière elle. À l'époque, tu vois ça à Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd fait ça, mais personne d'autre fait ça. C'est ça l'idée, de se donner les moyens que les plus grands ont. Vous avez le droit, vous, Québécois, de voir un artiste de chez vous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un des très jolis slogans du spectacle, c'était « Achetez vos billets de bonheur ». Venez avoir le bonheur de constater qu'on est fort, qu'on est capable, on est rose et c'est fort. Oui. Mais ça coûte cher, ça coûte 400 000 $ dans le contexte que vous décriviez au tout début, ces années 80 où c'est vraiment très, très difficile au Québec économiquement. On va beaucoup reprocher, il y aura des mots très, très durs à l'endroit de ce spectacle-là, sur le son, mais aussi sur le coût du spectacle. On écoute à ce sujet deux extraits. Le ministre des Affaires culturelles de l'époque, Clément Richard, à l'émission Présent, en août 1984, suivi de la réaction de Diane Dufresne à l'émission À vos disques et vinyles, en août 2014. Comment, monsieur La Traverse a-t-il réussi à vous convaincre d'investir 400 000 $ dans ce spectacle-là? On m'a fait valoir que ce serait la première fois et peut-être la dernière qu'un artiste québécois pourrait occuper le stade olympique. Parce que les Américains peuvent y venir, parce que leurs coûts sont amortis, leurs coûts de production sont amortis dans 40 stades différents. Donc, quand ils arrivent à Montréal, c'est en quelque sorte, et c'est pas méchant ce que je dis là, mais ça arrive comme ça, c'est une forme de dumping. Donc, les artistes américains peuvent se produire au stade olympique. Les artistes québécois ne peuvent et ne pourront jamais le faire, à mon humble avis, si ce n'est grâce à une occasion comme celle-là, qui est le 450e, et à une commandite spéciale. Mon salaire était mis dans les journaux avec Guy Latraverse. Guy Latraverse, on ne savait pas à l'époque, mais il était très malade, donc il n'y avait pas de producteur pour me défendre ou pour parler. J'étais vraiment... Et il y avait Mouffe, ma merveilleuse Mouffe. C'est elle qui a eu l'idée que je passe dans le stade, mais on le fait parce que j'avais tellement confiance à ce que le public y soit. J'avais mis les billets, j'avais exigé que les billets soient à 10 $ au lieu de 45. Donc, on disait que je valais pas plus que ça. Je valais pas Michael Jackson, ben, je valais rien, je valais 10 $. Et je me suis dit, mais le public viendra jamais. Il était là, quoi. Il était là, par-dessus, à Ouai, paraît-il qu'il y avait les métros, tout était rose. Il y avait presque petit rose. Dans les... C'est ça qui est magique. C'est pour ça que j'y retournerai. Et j'y retournerai parce que, en fait, c'est sûr que les médias, c'est important, surtout de plus en plus, même aujourd'hui. Mais en fait, ça compte pas non plus. Quand le monde, quand le public décide, ils suivent leur cœur. Hein. Donc, ils m'ont toujours... Ils ont fait confiance, comme ils me font encore confiance encore aujourd'hui. Mais il y a peut-être moins de foule, mais je veux dire quand même, le public est là, et ça, c'est toujours été ma motivation, et j'ai eu raison. La critique, il faut y revenir. On reviendra sur ce que Diane Dufresne dit avec le recul en 2014, parce qu'il y a comme deux temps à cette réaction-là, mais un petit mot quand même pour nous rappeler, Marie-Christine Blais, à quel point la critique est sévère, dure, plus que ça, parfois même mesquine. Ah, il y a des... Bon, alors, d'abord, le son et l'éclairage, on la voyait grosse comme une fourmi. Hein. Si on était dans les sièges, c'est sûr que ça devait être très décevant, et le son était... semble-t-il pourri. Moi, j'étais au parterre, il était pas mauvais. Alors, mais comme il l'était toujours au Stade olympique. Toujours. Il n'y a aucune exception à la chose. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, des journalistes qui vont dire qui évoquent la fable de la grenouille et du bœuf, en disant elle a voulu se faire aussi grosse que le bœuf, elle n'est quand même pas Michael Jackson. Il y a Stéphane Laporte, qui n'est pas très gentil dans la revue Cro, qui explique que ce soir-là, il y a vraiment eu de la magie. Les spectateurs sont arrivés roses, puis ils sont repartis bleus. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont été réellement déçus parce que justement, on ne la voyait pas bien. Ouais. Et pour qui se rend compte dès les premières minutes du spectacle, le son ne sera pas agréable. On ne la verra pas très bien. Mais ce qui la blesse le plus, puis on l'entend dans cet extrait, puis je répète, en 2014, mais encore, elle est blessée, meurtrie par le fait qu'on la rabaisse, qu'on dise... Elle vaut rien. C'est ça, c'est pas Michael Jackson. C'est pas The Police. Tu fais pas alors, le poids. Alors que pour moi, c'est la princesse Leia en musique. Ouais. Pour moi, c'est notre... À l'époque, on dit la diva, mais c'est la déesse. Ouais. Francine Pelletier, qui avait assisté au spectacle aussi dans La Vie en rose, dans le magazine La Vie en rose, explique ça. Elle dit, la voix, c'est la première fois qu'elle va en spectacle. Elle dit, mais mon Dieu, c'est une déesse. Et elle nous donne le goût d'être plus grand que nous-mêmes. Ouais. Et c'est ça aussi qu'elle fait, Diane Dufresne, et qu'elle faisait à l'époque. Là, on l'entend en 2014. On vient de l'entendre en 2014 avec le recul. Elle est toujours blessée, mais elle s'est consolée. Elle dit, j'ai eu raison parce que... Et le public me l'a prouvé. En 84, à chaud, comment elle réagit, Diane Dufresne, à ce torrent de mauvaises critiques? Ah, elle est partie très peu de temps après, tout simplement pour Paris. Elle s'est enfuie. Oui. C'était vraiment... Elle le dit aussi, hein, comment s'appelle-t-il, dont Guy Latraverse ne peut pas l'aider. Rénal Paré, qui est aussi dans la production, fait ce qu'il peut, mais elle est toute seule au pilori. Et c'est à elle qu'on s'en prend. Je pense que le fait qu'elle soit une femme joue beaucoup. Le fait qu'il y avait... Aujourd'hui, avec le recul, le fait qu'il y avait une grande partie de la communauté gay qui était là avait choqué certaines personnes, j'en suis certaine. C'était vu comme bon, encore du sparage. Et il y avait tout ça qui était... Et on lui a reproché. Je ne sais pas si elle le fait... 5 000 $ au bout pour 9 mois de travail, en faisant des calculs très serrés. Malgré tout ça, malgré cette critique très sévère, malgré toutes ces difficultés, ce spectacle-là va devenir un spectacle mythique. On en parle aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard. Pourquoi? Mais d'abord parce qu'il a été très bien filmé par Jean-Jacques Chétoyenne. Ouais. Il a eu une deuxième vie, en fait. Exactement. Il devait au départ avoir un film qui s'était tourné pendant toute la production du spectacle, mais c'était trop cher, justement. Donc, Jean-Jacques Chétoyenne, qui est habitué à filmer Diane Dufresne, en plus à l'époque, donc il est réalisateur à Radio-Canada, avec toutes ses caméras, avec une Luma, qui est une espèce de grue qu'on voit aujourd'hui. Là. Ben, à l'époque, ça a 4-5 ans, la Luma. Il n'y a personne qui utilise ça au Québec. Il fait donc, et il a comme 24 pistes de son. Ouais. Et il fait une émission, Magie Rose, où on va pouvoir effectivement voir et entendre vraiment Diane Dufresne. La voir comme ça, traverser tout le stade, voir les effets. Et puis, il y a des petits clins d'œil comiques. On la voit accueillir Manhattan Transfer et Jacques Higelin déguisés en hôtesse de l'air à Mirabel. Enfin, ça fait une très, très bonne émission qui est diffusée peu de temps après le spectacle, en automne, et qui va être diffusée régulièrement. Et en France aussi. Et en France aussi. Ouais. Je voulais te dire que je t'attends. Et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends tout le temps. Alors, Marie-Christine Blais, vous vouliez qu'on fasse une émission sur Magie Rose, cochée. Vous teniez à ce qu'on finisse cette émission avec cette pièce. Je voulais te dire que je t'attends, cochée. mais ça correspond, vous étiez là. Oui. Et cette chanson-là, pour vous, elle est associée à ce souvenir que vous avez de ce spectacle. Ben, elle l'a créée à ce moment-là. C'est la première fois qu'elle la chante en public. Elle la chante accompagnée par Manhattan Transfer qui fait les voix. Et là, elle retraverse le stade. Et avec une certaine cadence, elle a 4 minutes pour le faire, pour arriver au bout. Elle a fait des exercices la nuit pour arriver à ça, OK? Et là, moi, écoutez, j'en parle, puis j'en ai encore les larmes aux yeux. Elle a toute faim, elle crie « Je t'attends ». Et j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines de spectacles, Jacques. Ce moment-là est un des plus beaux de ma vie. Elle nous attendait et elle nous aimait. Et on est là. Et on est là. Pour elle. Et c'est ce qui fait que... Autant d'années plus tard... On en parle encore. À aujourd'hui, l'histoire. C'était de la magie rose. Et c'est vrai qu'elle pleure, mesdames et messieurs. Elle a la petite larme à l'œil. Merci beaucoup, Marie-Christine Blais. Merci beaucoup, Jacques. Marie-Christine Blais, journaliste, amie de l'émission. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Francis Beaulieu. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.